Nikolanyanga. Merci de rester fidèle aux émissions de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord le sommaire. Le parti Kodebou Iragi Gandadaye n'apprécie pas la composition des commissions électorales communales indépendantes. Kefa Nividi, président de ce parti, estime que ces commissions ne diffèrent pas des CPI. De même que certains citadins de Bujumbura, Kefa Nividi, président de ce parti, demande aux membres de ceci de travailler dans la transparence. Plus d'un million de plants de différents types d'arbres, dont les arbres fruitiers, sont prévus pour être plantés dans la province de Gitega pendant la prochaine saison sylvicole. Propos tenus par Jean-Marie Hatunimana, chef d'antenne de l'OBPI à Gitega. Le prix du piment a sensiblement augmenté, allant de 2000 francs à 10 000 francs. Burundais au marché de Kayanza ces deux derniers mois, vous l'entendrez. Et dans la chronique sportive de ce lundi, l'on vous parle de certaines lois régissant le football qui ont été modifiées cette année par les experts de la FIFA et sont en vigueur depuis le mois de juillet 2024. Bienvenue à cette actualité. La radio de l'avenir. Ouvrons ce journal qui est mis à nous par Alphonse Kougimana par cette page politique. Le parti Kodebou Iragi Gandadaye n'apprécie pas la composition des commissions électorales communales indépendantes. Kefa Nividi, président de ce parti, estime que ces commissions ne diffèrent pas des CPI. Malgré cet état de fait, il demande aux membres de ces commissions de travailler en toute indépendance et aux responsables des partis politiques de ne pas s'ingérer dans les affaires de ces commissions. Sur les 42 CCI, le parti Kodebou est représenté dans une seule commune. Suivez le président du parti Kodebou. Au niveau du parti Kodebou, nous avons vu effectivement que la mise en place de ceci s'est clôturée la semaine passée. Au regard de leur composition, elle ne diffère en rien avec les commissions précédentes, à l'occurrence la CENI et les CEPI, parce que elles sont toutes constituées par en grande majorité les militants du parti au pouvoir et ses alliés. Il y a certains membres de la société civile, mais de la plupart sont aussi proches du parti au pouvoir. On a constaté que on fait référence aux équilibres ethniques, mais là, on oublie que pendant les élections, ce ne sont pas les ethniques qui entrent en compétition, ce sont les partis politiques, notamment le parti au pouvoir et le parti politique de l'opposition. Donc les commissions qui préparent les élections auraient dû être constituées par les partis politiques de l'opposition et de la mouvance, afin que ces commissions soient rassurantes et pour tout le monde. Quand cela nous tienne, nous inviterions toujours ces commissions de faire un effort pour être neutres dans l'organisation des élections, mais aussi les partis politiques, notamment celui qui est très représenté dans ces commissions, de ne pas peser lourdement sur ces commissions, afin que les élections soient organisées dans la transparence et qu'elles soient libres pour tout le monde. Et la plateforme intégrale des organisations de la société civile Piske Burundi salue le pas déjà franchi par la Commission électorale nationale indépendante dans la mise en place de ces démembrements. Toutefois, Jean-Marie Ndouimana, président de cette plateforme, dit n'avoir pas été suffisamment représenté dans ces commissions. On l'écoute. Au sein de la Piste Burundi, nous sommes satisfaits et contents parce qu'il y a eu déjà la mise en place de différentes commissions électorales indépendantes au niveau des provinces et des communes conformément au code et calendrier électoral. Concernant les membres de cette commission, nous ne sommes pas satisfaits car on voulait au sein de notre association, bien sûr la Piste Burundi, la participation massive de nos membres, que ce soit au niveau des provinces et des communes. Malgré cela, nous saluons et nous encourageons la CENI car dans ce processus électoral, nous avons observé que la CENI a consulté les différentes couches sociales, différentes notamment les partis politiques, les associations éducatives, les confessions religieuses, pour qu'il y ait quand même des élections libres, transparentes et apaisées. Même si ces derniers n'ont pas eu aussi des membres suffisants dans cette commission, comme ça a été observé au niveau de la piste. Et les membres de la commission électorale communale indépendante, ceux-ci sont appelés à travailler pour l'intérêt de la population en général et non pour leur parti politique d'origine. Propos de certains citoyens de la mairie de Bujumbura, ceux qui se sont exprimés ce lundi à nos micros demandent aux membres de ceux-ci de travailler en toute indépendance. Premièrement, il faut que les prochaines élections soient apaisées pour que nous participions tous à élire nos dirigeants. Je demande également aux membres de la CENI, que ce soit au niveau de la CEPI ou de la CECI, qui travaillent pour l'intérêt de la population burundaise, non pour satisfaire leur patron. Nous souhaitons avoir des élections apaisées. Nous interpellons les membres de la commission électorale communale indépendante de travailler dans la transparence afin que les membres des différents partis politiques participent librement. Les membres de la commission électorale communale indépendante récemment élus nous leur demandons à respecter la loi tout en sachant qu'ils doivent travailler pour le bien du pays et accepter les résultats après les élections. Pour avoir des élections libres, il faut d'abord que la sécurité soit rassurante. Et puis, il faut laisser chacun élire celui qu'il veut et comme il le veut. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. Certains produits industriels jadis importés de l'étranger à l'aide des devises sont actuellement fabriqués au Burundi et se vendent en francs burundais. Ce sont les propos de Domine Kwigidze, chargé du marketing au niveau de l'entreprise F-Safi, 6 ans, commune Musigat de la province Bubanza, fabricant des chaussures communément appelées Yibo Yibo lors d'une foire commerciale en cours à Rumongi depuis ce lundi. C'est une occasion de nouer des relations directes entre les producteurs et les consommateurs. À ne pas rater, conseiller le président de l'organisation de cette foire. Une information que nous devons à notre confrère Jean-Pierre Missangou. À côté des braserons utilisant de l'huile de moteur vidangé, communément appelée mobile, fabriquée dans la ville de Rumongue, les chaussures dites Yebo Yebo, fabriquées en province Bubanza, figurent parmi les premières marchandises exposées ce lundi matin dans cette foire commerciale. Il s'agit d'une nouveauté pour plusieurs habitants de Rumongue rencontrés sur place, qui jusqu'ici croyaient que de telles chaussures rencontrées sur le marché burundais ne proviennent que de l'extérieur du pays. Kwigize Domine, chargé du marketing à la société F-Safi, produisant ces chaussures, dit avoir participé dans cette foire de Rumongue pour se rapprocher de leurs clients et pour une publicité que ces chaussures sont actuellement produites au Burundi et qu'il n'est plus nécessaire de perdre du temps et engager des devises dans leur importation. De son côté, Boniface Sirampaye, président du comité d'organisation de cette foire, dit que c'est une occasion en or pour les producteurs et les consommateurs de se connaître vis-à-vis et aux entrepreneurs d'échanger leurs expériences. Cette foire, dont les débuts sont prometteurs selon le président du comité d'organisation qui appelle à une participation massive, va se clôturer ce samedi. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Je vous le disais en titre, plus d'1 million de plants de différents types d'arbres sont dont les arbres fruitiers sont prévus pour être plantés dans la province de Gitega pendant la prochaine saison sylvicole, propos tenus par Jean-Marie Hatungimana, chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement BPI dans cette province, qui parle de plusieurs pépinières en cours d'aménagement. Les habitants de Gitega qui aménagent des pépinières à titre privé disent que les emballages pour soutenir les plants leur coûtent cher et demandent la revue à la baisse de leur prix, n'est-ce pas, Djilani Vikit? Jean-Marie Atungimana, chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBP à Gitega, indique que pour la prochaine campagne sylvicole 2024-2025, le projet PIPAL va être en train d'aménager des pépinières de plus de 960 000 plants d'espèces agroforestiers et forestiers, dont les eucalyptus à plus de 80%, mais aussi les gréveriers. Il y précise qu'un autre partenaire, qui est le réseau 2000+, produira des plants fruitiers, un réseau de 30 000 plants de maracuja en commune Bukirasazi, 45 000 plants de maracuja en commune Makevuko et 7 500 plants de plumes de Japon en commune Makevuko toujours. Jean-Marie Hatungimana souligne également que le BP Gitega est en train d'aménager des pépinières de plus de 20 000 plants de bambou et de plus de 30 000 plants de maracuja. Il conclut qu'il y a d'autres partenaires non identifiés, même la population, qui sont en train d'aménager des pépinières. Là, c'est comme un habitant de la colline Muremera, commune Makevuko, Dino de Havialimana Juvenal, qui aménage plusieurs pépinières contenant des plants d'arbres variés et des plants fruitiers de différentes sortes. Il explique cependant que les petits sacs biodégradables d'emballage des plants actuellement utilisés leur coûtent cher et qu'ils ne les obtiennent pas facilement sur le marché, d'où alors ils travaillent à perte. C'est ainsi donc qu'ils demandent à l'État de rendre disponibles ces petits sacs biodégradables qui sont aujourd'hui utilisés, mais aussi de réduire leur prix pour qu'ils puissent avoir un certain profit. Cela étant, certaines d'autres gens préfèrent utiliser les petits sacs fabriqués à base des écorces et de bananiers qui ont le défaut de ne pas durer longtemps, comme le précisent ces gens. Depuis Gitega, Jeanne Vigila pour Radio Isanganiro. De Gitega à Cap-sur-Kayanza, où le prix du piment a sensiblement augmenté, allant de 2 000 à 10 000 francs burundais au marché de cette province du nord du pays ces deux derniers mois. Les vendeurs de ce produit, tout comme les acheteurs, s'inquiètent et que le piment serait exporté en clandestinité ou utilisé dans certaines unités de transformation, bien qu'ils disent n'avoir pas de preuves. Au niveau du bureau provincial en charge de l'agriculture, élevage et la protection de l'environnement en province Kayanza, on indique que la cherté du piment serait due aux agriculteurs qui cultivent beaucoup les cultures vivrières et qui ne s'intéressent plus à la culture du piment, n'est-ce pas, Patrice Diouf? Les vendeurs et les acheteurs du piment contactés quand nous les avons rencontrés au marché de Kayanza nous ont indiqué que le prix d'un kilogramme de ce produit a beaucoup grimpé, allant d'un prix variant entre 2000 et 2500 à 10 000 ces derniers mois. Certains ont fait savoir que ces derniers jours, on pouvait même acheter 4 fruits du piment à 100 francs seulement. D'un côté, certains des vendeurs du piment au marché de Kayanza disent que le prix d'un kilogramme du piment a monté peut-être parce que c'est la période d'été où cette plante ne fleurissent pas pour donner beaucoup de fruits. De l'autre côté, les vendeurs et les consommateurs du piment à Kayanza estiment que ce produit est cher du fait qu'il serait utilisé dans des usines de transformation ou qu'il serait exporté à l'étranger clandestinement, mais disent qu'ils ne détiennent pas beaucoup d'informations pour le prouver. Interrogé à ce sujet, le directeur du bureau en charge de l'agriculture et l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, celui-ci nous a fait savoir que la montée du prix du piment serait due au fait que les agriculteurs s'intéressent beaucoup à l'agriculture des cultures vivrières dans les marais, puisque le piment. Toutefois, Adeline Nyonsaba demande aux agriculteurs qui le peuvent à continuer aussi à pratiquer l'agriculture du piment, expliquant que si une fois ce produit serait industriel, il pourra booster l'économie du pays en faisant entrer les devises dans le pays avec son exportation. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. L'actualité sportive, le championnat national de football en première division, Primus League, édition 2024-2025, a démarré ce week-end. Le match qui a opposé deux équipes en provenance de la deuxième division, à savoir Deira FC et Royal Vision 2026, s'est soldé sur le score de 5 buts à 0 en faveur de Deira FC. L'autre équipe qui est montée en première division cette année, c'est Ngozi City, qui a battu à domicile la formation Burundi Sport Dynamique des buts 1 au basketball. Les matchs de championnat national Viva Basketball League était au programme. Urunani a battu Gymkhana 88 points à 68 au moment où l'équipe de Tigers s'est imposée 83 à 69 points devant l'équipe Dynamo. Nous devons cette actualité sportive à Alice Lucrèce Ishimwe, stagiaire. Lors des matchs comptables pour la première journée du championnat de la première division baptisée Primus League édition 2024-2025, l'équipe Académie d'Eira en provenance de deuxième division a battu la Royal Vision 2026 qui a monté également en première division cette année 5 buts à 0 au stade Urunani. L'équipe Ngozi City qui revient encore dans les championnats Primus League après 5 ans de relégation en deuxième division a battu l'équipe militaire Burundi Sport Dynamique au stade Urukundo. Aigle Noir a battu l'équipe Interstar de Bujumbura 1 but à 0 sur le match d'ouverture officiel de ce championnat au stade Nkurunziza Peace Park. Amasipiri FC s'est incliné un but à zéro devant la formation messager Ngozi. Kayanza United a été battu à domicile au stade Katwaro par Musongati sur score de 3 buts à 0. Au stade Ngoma de la province Kitega, Flambeau du Centre a battu Moso Shuga 2 buts à 1. Le match qui a opposé Olympic Star de Muyinga et Bumamuru FC de la province Chibitoke s'est soldé sur un score paritaire d'un but partout. Football toujours, la formation Vitalo FC qui a représenté le Burundi dans les compétitions africaines de la Ligue des Champions a été éliminé par Young Africans de la Tanzanie sur un score fleuve de 10 buts à 0. Malgré cela, la formation policière Lukindo qui a représenté le pays dans les compétitions de la Coupe de la Confédération a éliminé Orsi de la Somalie sur le score de 2 buts à 0. Au basketball, les matchs comptables pour le championnat national Viva Basket Basketball League était en cours le week-end écoulé. Ce dimanche, Urunani a battu Gymkhana 88 points à 68 au moment où Dynamo a corrigé la formation de Tigers 83 points à 69. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sport. Certaines lois régissant le football ont été modifiées cette année par les experts de la FIFA et sont en vigueur depuis le mois de juillet 2024. Évariste Mrenguela-Nouari, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football FFB, indiquait que le but marqué sera confirmé par la montre ou les oreillettes qu'un arbitre porte. Il ajoute que quand deux joueurs entrent en collision sur les duels aériens occasionnant une blessure grave sur l'un ou l'autre joueur, c'est le médecin de l'équipe qui confirme le remplacement de la victime. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngidakoumane. Parmi ces amendements et clarifications qui ont été apportés aux lois légissant le jeu de football cette année, c'est la technologie sur la ligne de but qui est venue faciliter la tâche des arbitres. De ce fait, si les formations de but encaissées sera confirmée par les oreillettes portées par des arbitres lors des compétitions. Explication de Variste Mrenguela-Ntwari, président de la commission chargée de l'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football FFB. Il y a des amendements et clarifications qui ont été apportés aux lois du jeu cette année et qui sont déjà en vigueur depuis le mois de juillet, et j'espère que quelques-uns dans ces amendements seront opérés au cours de notre championnat. C'est au niveau d'abord de la technologie sur la ligne de but. Cette technologie est venue pour faciliter la tâche aux arbitres. L'information, donc les arbitres, l'arbitre central porte une montre ou oreillette, parce que l'information viendra de la montre qu'il porte ou des oreillettes. Cette technologie est venue pour mettre fin aux lamentations qui s'observaient plus souvent dans le cas des buts conflictuels. Ça veut dire qu'il y avait des buts conflictuels. Parfois, il était difficile de dire que le but est rentré ou pas. quand le ballon frappe sur la barre transversale que ça redescend sur la ligne de but. Parfois les buts étaient validés alors que le but n'était pas rentré complètement, ou alors le but était refusé alors que le but avait pénétré dans les buts. Alors cette technologie vient à point nommé. Malheureusement ici chez nous, elle n'est pas encore là. Peut-être qu'on y arrivera dans les jours à venir. Ça veut dire qu'une fois le but est rentré, il y a sa montre qui vibre avec un signal sur son écran où c'est écrit « goal ». Ou alors l'information vient des oreillettes qu'il porte et en ayant une seconde. Cette information est donnée uniquement aux arbitres et parfois à la salle de visionnage s'il y a la présence du VAR. Le président de la commission chargée de l'arbitrage et aussi de la Fédération burundaise de football FFB indique que d'autres amendements portent sur l'emplacement supplémentaire pour la commotion cérébrale quand des joueurs entrent en collision sur les duels aériens. Ces derniers sont autorisés par le médecin de l'équipe concernée après le constat qui aurait démontré que le joueur n'est plus capable de continuer à jouer. Il y a eu aussi des amendements sur la loi 3 appelés joueurs. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle remplacement permanent supplémentaire pour commotion cérébrale. Ça veut dire, c'est quand un joueur ou des joueurs peuvent entrer en collision, surtout sur des duels aériens, et un des deux ou les deux tombent mal et perdent connaissance. En ce moment-là, c'est le médecin de l'équipe concernée constate que le joueur n'est plus capable de continuer à jouer. À ce moment-là, l'équipe qui subit cet accident bénéficie automatiquement des remplacements supplémentaires, mais cela se fait après l'opération de 5 remplacements. Alors, en ce moment-là, l'équipe qui subit cet accident bénéficie automatiquement d'un remplacement supplémentaire pour commotion cérébrale. Ça veut dire, vous savez, il y avait, on opérait 5 remplacements. Ça veut dire que celui-là devient le 6e remplacement. Dans la prochaine chronique sportive, Evariste Mulengranwari expliquera les modifications qui ont été faites sur la loi légissant les capitaines des équipes. Merci à Jean-Marie Vienengendakumana pour cette chronique sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Guimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikumananga. Bonne suite des programmes sur 100 minutes.